J'ai comme l'impression que l'Europe deal avec les États-Unis. L'Europe n'a plus de force politique pour intimider les Africains. L'Union européenne ne peut plus intimider les Africains. Les opérations Barracuda, qui étaient portées même par des journaux panafricains, Jeune Afrique, qui étaient portées par le Quai d'Orsay. C'est difficile aujourd'hui en Afrique. Les moyens financiers, l'opération spéciale militaire, les crises énergétiques font et ont mis l'Europe à nu. Ça reste des pays puissants, développés. Mais ce sont des pays, contrairement, dans l'affrontement et dans les rapports avec l'Afrique, ont de plus en plus de mal. Afrique Média, le monde, c'est nous.